Chers amis, nous poursuivons notre temps de Noël, ce temps de la Nativité, ce temps où Jésus se fait proche de nous. En lisant les textes de la liturgie de ce jour pour préparer cette messe, m'est venue une lecture que j'ai faite récemment, lecture d'un ouvrage d'un pasteur baptiste qui a fondé une église dans le sud de la Californie, Rick Warren, qui a récemment notamment invité chrétiens, protestants et catholiques à suivre l'invitation du pape François pour travailler à l'unité. Et dans cet ouvrage, ce fondeur d'église chrétienne pose une question intéressante. Pourquoi notre église existe-t-elle? Pourquoi notre paroisse existe-t-elle? C'est souvent une question qu'on se pose plus, ou qu'on s'est même peut-être jamais posée. Est-ce que notre paroisse existe pour dispenser les sacrements, pour nous offrir une messe le soir à 19h pour être sûr qu'on ait la messe le dimanche, pour nous donner des espaces, des salles, ou bien pour nous permettre de nous confesser? Pourquoi est-ce que notre paroisse existe? La fête de ce jour, chers amis, me semble-t-il, exprime parfaitement la raison d'être de notre Église et donc de notre paroisse. Revenons à la première lecture pour bien comprendre le message des textes de l'Écriture que nous avons lus aujourd'hui. Isaïe nous disait, en parlant de Jérusalem, « Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde, tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi, tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. » Pour comprendre ce passage du livre d'Isaïe, il faut peut-être nous resituer dans la signification, la double signification de Jérusalem, dans la symbolique religieuse de l'Ancien Testament. Jérusalem, c'était avant tout pour les Juifs une capitale nationale que David, le roi David, avait conquis pour y établir la capitale de son royaume. C'est donc le signe visible de l'unité d'Israël. C'est un royaume, c'est la capitale d'un royaume. Et nous le lisions à l'instant, cette ville est personnifiée sous des traits féminins. Ton cœur frémira et se dilatera, tu seras radieuse. Jérusalem est comme une mère. Une mère, la mère des Israélites, ses fils. Mais c'est aussi, c'est le deuxième sens de Jérusalem, c'est aussi une capitale religieuse. Choisie par Dieu lui-même pour être sa demeure. Elle signifiait pour Israël la présence de Dieu au milieu des siens, Dieu qui s'est choisi un temple, qui a demandé au peuple de bâtir un temple pour lui. Donc Jérusalem est à la fois la mère des enfants dispersés, mais plus qu'une capitale nationale, plus qu'une mère qui rassemblerait ses enfants à elle, elle est aussi, pour les nations païennes, pour les rois qui se tournent vers elle, une capitale religieuse, un lieu où Dieu se rend présent. Car ce n'est pas vers la capitale politique que les rois de toutes les nations et toutes les nations elles-mêmes se tournent, mais elles se tournent vers Jérusalem comme vers le lieu où la gloire de Dieu se montre. Jérusalem est pour tous les hommes le signe de la présence de Dieu dans le monde. Et c'est un signe, effectivement, pour tous les hommes. Tous affluent vers Jérusalem, ce que nous dit Isaïe. Les Israélites dispersés, les nations divisées, tous les peuples, toutes les nations sont réunies dans la reconnaissance du même Dieu. Et cette prophétie, frères et sœurs, elle s'accomplit dans la venue des mages à la crèche. Ces hommes savants, en quête de vérité, qui viennent reconnaître dans l'enfant Dieu, la lumière de leur science, le sens de leur quête, l'aboutissement de leur labeur. ce mystère qui s'est révélé dans la crèche, saint Paul l'a encore dit à sa manière en deuxième lecture, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. Chers amis, toutes les nations, tous les hommes sont en quête de vérité. Alors l'Église leur est donnée comme ce signe de la présence de Dieu parmi nous. La vocation de l'Église, c'est donc de montrer Dieu aux nations et de donner aux nations de le rencontrer. C'est la vocation de l'Église et c'est la vocation de notre paroisse. Notre paroisse existe pour montrer Dieu au monde et non pas nous servir. L'Église n'est pas là et notre paroisse n'est pas là pour nous servir nous-mêmes, mais elle est là pour servir les nations. Je voudrais souligner un aspect de la personnalité du pape François, qui est si sévère avec les membres de l'Église, avec nous. Très souvent, lorsqu'on lit ses discours, il nous corrige. Récemment, il l'a fait encore dans les médias, enfin c'est surtout les médias qui en ont fait leur chou gras, il l'a fait en faisant son discours de vœux au prélat de la curie. Ah, ces prélats qui vivent dans l'opulence, c'est quand même honteux. Mais si le pape corrige fraternellement les membres de la curie, c'est parce qu'ils sont un petit modèle de l'Église, comme nous, ici, ce soir. Nous sommes un petit modèle de l'Église tout entière. Et il peut dire exactement la même chose à chacun de nous. Le pape avait identifié 15 maladies dites curiales, donc des maladies de la curie romaine. Je voudrais ce soir en adapter 2 à notre paroisse. Des maladies paroissiales. Je reprends simplement 2 de ces maladies que le Saint-Père avait identifiées. La maladie de l'indifférence envers les autres. Je viens chercher mon service à l'Église. Je viens prendre ma communion chaque semaine, le dimanche soir. Je viens prendre ma messe, je gagne mon ciel, je me mets en règle, mais je n'ai absolument pas conscience de mon frère qui n'est pas là, qui paraît tellement loin de Dieu, qui cherche Dieu, qui a soif de Dieu. Mais bon, après tout, chacun peut bien penser ce qu'il veut, chacun en est où il est. La maladie de l'indifférence, frères et sœurs, nous guette. Indifférent envers les autres parce que nous pensons que l'Évangile est si compliqué, puis finalement les autres le cherchent tellement peu. Alors on finit par être centré sur nous-mêmes, on a eu la chance de rencontrer Jésus. Alors on vient. Cette maladie est souvent issue d'une autre maladie que le Saint-Père avait identifiée, c'est la maladie de l'Alzheimer spirituel. C'est quoi l'Alzheimer spirituel? C'est l'oubli de l'histoire du salut, de l'histoire personnelle, de notre histoire personnelle avec Dieu, de la manière dont Dieu a révélé son amour dans nos vies. Frères et sœurs, ces deux maladies gangrènent notre Église, elles font de nous un club qui progressivement devient aigri, un petit peu pharisien, janséniste en fait. Notre Église n'est pas faite pour nous servir, frères et sœurs, elle est faite pour évangéliser, pour servir les nations. Et elle n'est pas là avant tout pour nous offrir des services. Elle n'a pas sa finalité en elle-même, notre Église, ni notre paroisse d'ailleurs. Sa finalité, c'est le monde et le salut du monde, les nations. Tous les rois de la terre qui ne connaissent pas Dieu, mais qui cherchent la lumière. Alors, nous devons voir, non pas l'Église comme un prestataire de service, et nous comme des consommateurs, mais nous voulons nous tourner vers ceux qui cherchent la lumière. Comment faire, frères et sœurs? Comment me mettre, moi, ce soir, au service des nations? Eh bien, en commençant par les accueillir, ici, au cours de la messe de 19h le dimanche soir, dans notre paroisse, puisque c'est là que nous pouvons leur témoigner la lumière. C'est là que nous pouvons leur montrer qui est le Seigneur que nous avons rencontré. Je voudrais faire un petit sondage. J'inviterai ceux qui ont un service dans cette messe de 19h à lever la main. Je vois la chorale, là il y a un banc qui lève la main, là. Ou ceux plus largement qui ont un service dans la paroisse, on élargit. Maintenant ceux qui ont un service plus largement dans une autre paroisse. Bon, je fais pas les comptes, hein. Mais c'est pour nous rendre compte, frères et sœurs, que le bilan, notre bilan de santé, si nous n'avons pas levé la main, il n'est pas très bon. Je vous diagnostique très rapidement un Alzheimer spirituel juvénile, suivi d'un indifférentisme violent. Parce que si on ne se met pas en service, frères et sœurs, on devient consommateur. Tous. Et ça, c'est le début de l'Alzheimer. On oublie ce pourquoi on est fait. On est fait, frères et sœurs, pour montrer aux nations la lumière, pour montrer le Christ. Et si nous ne nous mettons pas en service dans notre paroisse, c'est que déjà même, nous ne montrons pas, nous n'accueillons pas celui qui n'est pas encore là, nous ne faisons rien pour que celui qui n'est pas encore là soit là. Nous sommes notre paroisse. Je suis ma paroisse. L'Église, c'est moi, c'est chacun de nous. Alors, qu'est-ce que je fais pour répondre à cette vocation ? On peut s'engager dans de nombreux services. À la messe des jeunes, il y en a plein des services. On peut s'engager dans la chorale, dans la musique, dans la projection des slides, dans l'accueil au début de la messe. On pourrait avoir un service d'accueil pour que les gens se sentent bien chez eux. On peut aussi déneiger les marches de l'église quand il y a une tempête de neige. On peut participer à une nuit de prière, comme il va y en avoir une ce jeudi soir jusqu'à vendredi matin. Notre prière, c'est un service pour l'Église. On peut aussi arriver à l'heure à la messe. C'est une manière de montrer au Seigneur qu'il est important. Et je voudrais ce soir qu'on applaudisse spécialement Nicolas, qui était là 10 minutes avant le début de la messe. Bravo Nicolas. Il fait celui qu'on ne sait pas qui c'est, mais moi j'ai bien vu. C'est bravo pour toi Nicolas, ce soir tu as fait un exploit. Oui, si nous n'arrivons jamais à l'heure à la messe, alors on arrive comme on va dans n'importe quel magasin, on prend un produit, on le consomme et on le jette. Mais c'est le Seigneur, frères et sœurs, c'est le Seigneur que nous venons rencontrer. Alors mettons-nous en service, frères et sœurs, au service de notre communauté, pour que nous soyons là pour accueillir les nations. Et nous verrons que nous serons alors ce que nous devons être. C'est le meilleur remède contre l'Alzheimer spirituel et l'indifférentisme. Et alors nous serons heureux.